I set down these notes on paper. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Augury, loudness, Satan, infernal majesty, exorder, artificial brain, answer, pump, excrements, and more! Salut et bienvenue à une autre édition de Subversion, celle du vendredi 10 juin 2016. Je suis Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death, avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio. Oui, le même DJ Tower qui a ressurgi 10 ans plus tard, en fait, une dizaine d'années après la chute de CIRC, la radio communautaire de Rouyn-Noranda, en fait, 12 ans après Metal Militia. 11 ans. Presque 12 en fait. Ce fameux soir du 3 décembre 98 à la scène Paramount comme DJ, alors que Oblivion et Gorgoth se produisaient à ce moment-là à Rouyn-Noranda. Et je me rappelle d'une anecdote, je m'étais levé trop tard pour ce soir-là en fait. En fin d'après-midi pour aller chez le disquaire pour me rendre chez Polisson pour aller chercher ma copie de ce nouvel album qui sortait à ce moment-là, Meshuggah Chaosphere. Et c'est un drôle d'adon qu'un de nos auditeurs fidèles, Alain Demers, qui était le batteur évidemment d'Oblivion, est venu me voir plus tard dans la soirée avec une cassette, imaginez-vous. Et sur cette cassette avait le fameux Meshuggah Chaosphere, mais comble de malheur, il n'y avait pas de tape deck dans le DJ Boot. Alors, peine perdue pour cet album. C'est quand même un drôle d'adon. Mais j'aurais dû programmer ça, Meshuggah. Caroline, ça va venir. Bon, je viens juste de penser à ça comme ça. Alors, salutations à Alain en passant. Et puis, aujourd'hui, comme j'en avais fait état la semaine dernière, nous aurons une entrevue avec In the Studio à vous présenter avec Augury. Ce sera dans la deuxième moitié de l'émission. Surveillez ça vers les 7h05 environ. Et puis, quelques nouveautés au passage des Italiens, non, des Grecs de Pile of Excrements et des Canadiens de Infernal Majesty. Alors, restez à l'écoute. On y va tout de suite avec un premier bloc. On entendra M.O.D., aussi les Britanniques de Satan, mais avant, les Japonais. Loudness, évidemment, avec une pièce de leur quatrième album que tout bonnement, justement, en parlant de cette entrevue avec Augury, car nous parlerons avec Patrick Loisel et Mathieu Marcotte, évidemment. Ben, en fait, la dernière fois que j'avais été chez Pat, justement dans un party, évidemment, dans un jam improvisé comme ça, tout bonnement, on a joué cette pièce que je vais vous faire écouter à l'instant. Lui qui... Bon, en fait, il avait encore son drum dans le garage, évidemment. Alors, on y était allé avec un bout de cette pièce. En tout cas, ben, disons que ça s'est arrêté au lead, là, en ce qui me concerne, à la guitare. Bon... Alors, un bon moment passé avec Pat, avec cette pièce de Loudness, Crazy Doctor, à Subversion sur Underground Québec Radio. We'll be right back. to welcome my new band down here, MOD, the guys in the back. Yeah, of course, if you don't know me, I've been here for 2 months now. I'm Romeo Vegas, the man of the hour. Hey, and I'm gonna sing a song for you. Don't be drinking and driving tonight when you leave from the show. I know at the Seen Us you may have your reasons, but don't. Entendre M. Billy Milano, oui, ce New-Yorkais avec son band M.O.D., The Accident Scene de 1989, de ce deuxième album, Gross Misconduct. Concernant Billy, ben, il a fêté son 52e anniversaire, 52 ans, le 3 juin dernier, oui, en même temps que deux autres figures de proue dans leur band respectif, soit Kerry King avec Slayer et Doro Pesh avec, ben, en fait, ex-Warlock, qui fêtaient aussi leurs 52 ans le même jour, ce qui est un fait particulier. Concernant M.O.D., Gross Misconduct est sorti à la Saint-Valentin de 89. C'était le deuxième de 7 albums, le dernier sorti en 2007. Ça avait été enregistré au Pyramid Sound de Ithaca dans l'État de New York, où Billy avait décidé de retourner 3 ans après l'enregistrement du fameux Speak English or Die de SOD, évidemment, avec son ami producteur Alex Perialas et comme assistant ingénieur Rob Wacko Hunter, ex-Raven à ce moment-là. Et d'ailleurs, dans les mêmes dates, je suis passé juste à côté de ce studio à Ithaca il y a 6 ans de ça, alors que, bon, il y avait fête au village. Et j'aurais dû peut-être cogner à la porte, voir si Alex aurait répondu. oui, avant ça, on avait eu Satan, les Britanniques, avec Break Free, de ce classique Court in the Act de 1983. Et début du bloc, c'était Loudness, du lycée japonais avec Crazy Doctor, de cet autre classique, Des Illusions de 1984. Oui, album qui avait sorti en janvier 84 dans sa version originale, et plus tard en juillet dans la version anglaise, puis avec une couverture différente, évidemment. Et ouais, et deux autres pièces en bonus. Puis Minoru Niara, évidemment, qui s'était rendu à Londres pour enregistrer ses vocales en anglais. Alors, ouais, c'est intéressant à revisiter Loudness, les 4 premiers, puis même les albums un peu plus américains là, qui ont suivi Thunder in the East, Lightning Strikes, et même Hurricane's Eyes à la limite. Après ça, un peu moins. Mais bon, ouais, et d'ailleurs Akira Takasaki, qui fait la couverture du magazine japonais Burn pour les 30 ans. Les 30 ans de quoi, finalement? Du magazine ou les 30 ans de quelque chose d'autre? Je me rappelle plus, mais en tout cas, j'ai envoyé un email pour essayer de commander cette édition-là, mais j'ai pas eu de réponse encore. C'est en japonais, cette revue-là, mais très intéressant comme couverture quand même, si vous avez Internet à votre portée, le magazine Burn avec Akira Takasaki. Je pense que c'est la... je sais pas comment ça fait, fois qu'il fait le cover depuis 1986. Bref, ouais, je manque de précision à ce moment-là, désolé. Alors, ouais, 6h52, Vous êtes toujours sur Underground Québec Radio, à l'émission Subversion. Et puis, en attendant cette entrevue avec Augury, on a trois autres pièces à vous présenter. Les Grecs de Pile of Excrements, les Canadiens de Infernal Majesty, avec une nouveauté d'un album qui s'en vient en 2016, qui s'intitulera d'ailleurs No God. Mais avant, de la Louisiane Exhorter, avec, ça doit provenir d'un réunion show quelque part, à la Nouvelle-Orléans en 2010, précisément dans un bar qui s'appelait The Anger. On va entendre la pièce de là avec cette version, oui, live de ce moment-là, avec Exhorter à Subversion sur Underground Québec Radio. Ensuite que le groupe Black Sabbath a été fondé par Ozzy Osbourne. Dans le cadre du culte à Satan, c'est dans cette maison que Jimi Hendrix a connu la mort. Jean-Paul, dans l'émission Radio Osbourne. Qui est contenu dans cet album de Diary of a Madman? Et pendant que nous écoutons la musique, vous pourrez lire à l'écran les paroles, qui sont les paroles du message subliminal obtenu en message traversé. On vient d'entendre à l'instant Pile of Excrements, un groupe de Athènes. Oui, c'est grec, qui ont sorti un démo en avril dernier de 4 pièces sur édition limitée de 120 copies en cassette de surcroît. Intitulé Pile of Excrements. J'aime bien ce nom, hein, Pile of Excrements. Ça me fait rire. J'ai trouvé ça bien drôle, puis je me suis intéressé à ça quand j'ai... En fait, quand j'ai écouté Sacral Rage que j'ai passé la semaine dernière, ce groupe de Athènes, dont deux des membres, dont le batteur Shit Eater, faisait partie de ce... Ça m'a accroché, ce je sais pas pourquoi ce nom-là, Pile of Excrements. C'est quand même... Ouais, particulier. Puis, j'ai écouté ça, je me suis dit, c'est pas mauvais du tout, je vais en passer la semaine prochaine. Alors, voilà. Pourquoi j'ai passé ça. Et puis, bonne chance à ceux qui voudraient acquérir une des 120 copies. On sait qu'avec Internet, c'est exponentiel. Hein? La diffusion va être plus large que ça. Mais, peut-être qu'en 2050, ça va valoir cher un tape de Pile of Excrements. Pile of Excrements. Avez-vous compris, là? Pile of Excrements. C'est ça le nom du band. Tiens. Bon. Okay. Puis, ça me fait rire parce que... Je venais juste d'écrire sur Facebook « Morning Coffee Mode » avec des groupes gentils comme « Exhorter »,« Infernal Majesty » et « Pile of Excrements ». Notre ami en l'ancien journaliste du pop rock, Ronan McGregor, qui répond « Ready for some intestinal déflagration ». Oui, alors, oui, avant ça, ah, j'oublie de dire le nom des musiciens dans ce groupe, Shit Eater à la batterie, Pungent Hemorrhoid à la guitare, et Necro Pervert à la guitare, rythmique, basse et vocale. OK, avant ça, on avait eu Infernal Majesty avec House of War, nouvelle pièce de cet album à venir qui s'intitule No God. Il n'y a pas de date de prévue comme telle. Pas plus d'informations que ça. Ça sort un peu de nulle part, cette nouveauté. Je ne pensais pas qu'il était encore en vie nécessairement, Infernal Majesty. Je pense que les deux guitaristes tiennent encore le phare. Et puis, ouais. On reconnaît encore l'espèce de sinister effect dans le riffing en tandem, justement, dans Infernal Majesty, dans ce nouvel extrait. Alors, on verra bien ce que ça va donner comme album. L'extrait House of War, pas bête du tout. Avant ça, on avait débuté le bloc, évidemment, avec Exorder, une version live de la pièce de Law, qui se trouve être la pièce titre de leur deuxième album, paru en 92. C'était une version en 2010, enregistrée en quelque part à la Nouvelle-Orléans. Il est 7h, il approche 7h, que, non, 7h10, hein, ouais. Et puis, ça va être le temps de vous présenter cette entrevue in the studio avec deux des membres de Augury. On y revient après cette pause. Tu appelles ta mère avec ton cellulaire. Tu brasses tes affaires avec ton cellulaire. Tu vas prendre l'air avec ton cellulaire. T'es devenu prospère avec ton cellulaire. T'es sur le crooner avec ton cellulaire. Tu crois que t'es super avec ton cellulaire? Mais est-ce que tu surfes sur ton cellulaire? ...7h10 sur Underground Québec Radio. Et vous savez, il y a des moments dans la vie où ce qui, aussi court soit-il parfois, il faut savoir les apprécier, les souligner, bien en profiter finalement. Et un de ces moments a été ma courte visite au Humanoid Studio sur la planète Montréal, juste avant le travail l'autre soir. En fait, certains d'entre vous savent que je suis un travailleur de nuit. Alors, j'ai été gentiment invité comme ça au Humanoid Studio par Mathieu Marcotte et Patrick Loisel, en plein processus d'enregistrement pour ce qui sera le prochain album de Augury, très attendu. Et vous savez, il y a des tandems de guitaristes qui, plus que d'autres, sont mémorables et ont rien de moins qu'avoir contribué à faire fleurir la culture métal québécoise, finalement, au travers du temps. On pense à des... Rémillard Gagné, les Lemay Hurdle, les Levasseur Vachon, des Mongrain Lampron, et particulièrement avec Patrick Loisel et Mathieu Marcotte, autre duo plein de talent. Et c'est avec l'âme créative de Augury que je me suis entretenu pour cette entrevue in the studio que voici. Un grand plaisir d'être ici même au Humanoid Studio Montréal en compagnie de deux guitaristes de ce band. En fait, il y a du talent au pied carré ici. Moi, je suis vraiment honoré et j'ai le privilège justement de les interrompre en pleine session d'enregistrement pour le prochain album de Augury. On parle de Pat et de Mathieu. Salut. Bonsoir. Salut. Vous venez de me faire écouter un extrait, en fait, guitare-basse, d'une pièce qui va figurer sur le prochain album. Moi, j'ai déjà encore plus hâte d'entendre ce qui va arriver, produit final à nos oreilles, évidemment. À quel pourcentage, à peu près, l'album est complété en ce moment? En composition, On dit toujours qu'on arrive à la fin, mais là, on rajoute d'autres idées, comme il y a une toune là-dessus que, vous voilà 3 mois, « Hey man, on a une nouvelle toune. » Ah, OK. Alors, je te dirais à peu près 90% de la composition. Au niveau de l'instrumentation, c'est presque tout. Là. Et sur l'enregistrement, on a fait les guitares rythmiques, mais on a fait ça sur 2 ans. On est déjà extrêmement occupés. Puis un bout de la basse, des solos, un bout d'autres éléments à travers ça. Là. Ben, on travaille sur plusieurs fronts simultanés, je te dis. Mm-hmm. Ouais, il va rester dans le fond la batterie, les solos, puis le vocal à faire. Ouais. Fait que la basse est enclenchée, les rhythm guitars sont enclenchés. On a fait des solos aussi. Fait que... On a un petit lutin, mais ouais. C'est ça, dans le fond, le mix est prévu à la fin de l'année, fait qu'on a comme genre jusqu'à l'automne pour tout compléter tout ça. OK. Fait que c'est genre, ça a l'air qu'on marche bien sous pression, on a parti le presto, là. Ouais. Oh. OK, parce que vous avez un délai à respecter. Non, vous avez pas parce qu'on a un délai de se respecter, c'est parce que depuis le dernier album, il s'est passé 1 milliard d'affaires, changement de line-up, déménagement, 1 million de trucs dans les vies musicales et professionnelles. Puis là, on est rendu en 2016. À un moment donné, on va essayer de finir l'album avant d'être tous grisonnants. Mais qu'est-ce qui était projeté comme date ou moment printemps pour sortir l'album? 2017. Ben, il va sortir probablement début 2017. Là. Ouais, okay. Ouais. Parce qu'il va se faire mixer en fin d'année, là, comme on disait, là, avec Christian okay. Donaldson. Puis la fameuse pièce qu'on a entendue tantôt, en fait, qui avait un super bon bout norvégien, glacial, ouais. Cosmique, sur les bords, comment ça s'appelle? Cette pièce-là, ça s'appelle Mater Dolorosa. Puis c'est un titre qui va avoir un double sens parce qu'au début, c'était une toune psychologique. J'avais lu beaucoup de trucs sur surtout des places en Ukraine ou en Colombie-Britannique, mais des jeunes femmes qui sont des tueuses en série. Puis elle voulait concevoir sa victime, donc ça serait son propre enfant. Sauf que c'est pas dans mon style de faire des paroles gore. Fait que je suis en train de tourner ça un peu à une métaphore que ça va être la planète Terre qui est en train de se faire miner. Parce que qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est un phénomène totalement réel. Tout le pétrole, tout le gaz, toute la houille qu'on a pris, les mines qu'on a creusées, affaiblissent la croûte terrestre et ça provoque de plus en plus de tremblements de terre. Ça se peut aussi que ça accélère possible le gros changement des pôles. Imagine toute la catastrophe que tu veux. Mm-hmm. Et donc, ça pour les plus parano d'entre nous, là, c'est la fin du monde à cause de ça, mais effectivement, on commence à voir le sol s'affaisser à des endroits. Ouais. Des villes entières enterrées par des glissements de terrain, là, c'est arrivé. Ouais. Alors, ouais. Musicalement parlant, mettons, si on pense à la progression qu'il y a eu de Conceal au deuxième album, est-ce qu'on peut s'attendre un peu au même type de progression depuis le deuxième album avec le prochain? Ben, il y a un mélange des influences des deux albums, c'est-à-dire il y a des côtés bien gros catchy, bien gros à la Concealed, que ouais. Tantôt on dansait quasiment dans oui, le vide. C'est, là. Vrai, ouais, c'est comme on a des petits bouts un peu. En tout cas, des bouts comme. Ballerine, moi, là. C'est ça, chacun a comme sa signature. On est trois composés dans le band là, pour la musique. Ouais. Puis c'est ça, chacun a sa propre signature. Il y a beaucoup d'éléments prog, beaucoup d'éléments autant black que death. Des bouts encore acoustiques ou clean puis tout ça ouais. Puis c'est ça, puis Antoine va amener son côté sa signature aussi au niveau du drum là, fait que mm-hmm. On a bien hâte d'entendre son drum aussi puis c'est ça mais c'est un mélange un peu des deux albums je te dirais puis mm-hmm. Cet album là aussi c'est ça que j'ai remarqué avec plus de recul, c'est que les tunes sont vraiment plus différentes l'une de l'autre je trouve ouais, que par rapport aux deux autres albums ouais. Il y a plus de c'est comme plus de versatilité. Tu peux pas dire t'écoutes la première tune donc cet album là il sonne de même là. Littéralement, il y a des tonnes, des fois, des albums que je browse, je veux pas être méchant, mais tu sais, j'ai pas le temps d'écouter vraiment beaucoup de musique. Fait que des fois, je découvre de quoi, je fais des samples, tu sais, genre à toutes les 40 secondes d'un album d'un bout à l'autre, et j'ai l'impression d'avoir browsé dans la même tune. Mm-hmm. C'est comme ouais. Plus qu'un, là. Ouais, c'est vrai. À un moment donné, faites de quoi, là. Je te dirais, là, c'est ça, les tunes sont vraiment, vraiment différentes l'une de l'autre, puis l'album va être un petit peu moins long à date que Fragmentary, là. Ouais. Il va être plus des alentours de 45 minutes, fait que ça va être un peu plus une claque dans la face, là. Que... Ouais, c'est ça. Vous savez, c'est devenu une mode de faire des albums ultra longs avec 28 000 tracks, et à un moment donné, je sais pas, c'est comme... On garde la même qualité, mais on voulait faire de quoi de plus aéré, relax, non, parce que ça fly autant dans le dash, là, mais... Ouais. Je sais pas, mon goût personnel s'endurcit en vieillissant. Là, à un moment donné, il n'y aura rien d'assez vite pour moi. Là, ouais, c'est comme, ouais. Je suis un peu le speed freak de la gang, là, même si je suis l'ancêtre. Puis, si vous voulez dire, donc on a des. Puis, on est accordé main gras, puis je vais chanter très gras. C'est donc, vrai. J'ai ructe par-dessus le tout. Et, mm-hmm. Oui, d'ailleurs, on a pu voir, j'ai pu voir tantôt que tu... Oui, ça promet les lignes vocales pour le prochain Augury, définitivement. Puis, en ce qui a trait à la basse, d'ailleurs, votre bassiste est parti en Égypte en ce moment. Hein. Oui, Tinker. sa collaboration avec lui, c'est pas terminé encore, la basse. Hein. Non, c'est pas terminé encore, mais elle a presque toute composée sa basse. Ils avaient monté déjà en pré-prod, fait que... C'est ça. Il a commencé la basse avec la toune la plus longue, puis la toune avec le plus de riff. Mm-hmm. Puis c'est celle que tu as entendue tantôt. Oui, oui. Fait qu'il y a comme vraiment, vraiment beaucoup d'influence dans son playing. Oui. Fait que j'ai bien, bien hâte d'entendre la basse. Vous pouvez le reconnaître facilement, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il y a vraiment sa signature, évidemment. Oui. Mm-hmm. Puis ça va se compléter avec, avec Antoine au drums. Oui, c'est ça. Antoine Barry va enregistrer son drum à son studio à Québec. À Québec. Oui. Okay. Okay. Studio Hémisphère. Puis c'est ça. Il va monter le drum aussi en pré-prod. Mm-hmm. Fait qu'il est en train de commencer en ce moment, justement, la pré-prod du drum. Oui. Ouais. Okay. Puis pour le mixage, mastering, tout ça, cette étape-là, avez-vous pensé à quelque chose en précisément? Ça va être Chris Donaldson qui va faire le mix puis le mastering à son studio de The Grid. OK. Oui. Puis il va faire ça en décembre. Fait qu'on a bien hâte. On a bien hâte d'entendre qu'est-ce qu'il va faire là-dessus. Là. Ça va être cool. Puis, dernière question, un coup, tout ça sera complété. Est-ce que vous projetez quelque chose, situation live ou tournée, whatever? Est-ce que c'est dans vos projets? Disons qu'on on va aller jouer à certains endroits, mais Augury n'est pas un band qui va passer sa vie sur la route, tout simplement. C'est comme il y a encore des gens qui ont cette attente-là, et qui sont quasiment surpris que j'ai une maison puis une carrière. Lui, il se demande pourquoi à 46 ans, j'ai pas deux colocs, puis je reste pas dans un et demi, puis j'ai pas mis mes affaires dans un entrepôt. Là. Mm-hmm. Même encore cette année, j'ai du monde qui me parle un peu comme ça. Juste pour dire ça, mais on va continuer à faire de la musique plus longtemps que des gens qui se brûlent, tout simplement, à essayer de jouer la rockstar, puis à manger une demi-pointe de pizza par jour. Ouais. C'est donc la longévité est plus importante que d'essayer d'être. Ok, maintenant, on va travailler, là, on va être les Road Warriors. Là. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'étant donné la qualité de votre matériel, tout ça, ce que vous faites comme musique, il y a des grandes attentes. Donc, c'est sûr que le monde en même temps veut vous voir, mais côté concession, en même temps, si vous ne pouvez pas vous couper à gorge, comme on dit. Là. Non, c'est incroyable. Là. C'est comme on s'en remet. Ouais. Bon, on va faire des shows quand même. On veut faire du live. C'est juste qu'on ne se concentre pas sur que faire de la tournée. Là, C'est clair. Surtout des événements, dans le fond, des festivals. Ouais. Parlant de festivals, moi, j'ai juste en tête performance mémorable au EV Montréal la dernière fois, c'était complètement débile. Pourtant, je vous avais vu avant, mais là, c'était comme wow, c'était comme un choc. On aurait dit que vous étiez groundé, là, un générateur quelconque, un transfo, je sais pas c'était quoi, mais c'était comme ça, c'était pitché dans la foule, là, c'était incroyable. Ouais, disons que les arbres, en avant de ça, j'avais plus d'écorce autour. Là. Beaucoup de créativité, de low tuning, beaucoup de BPM aussi encore. Oui. Et puis, en tout cas, merci de m'avoir accueilli dans ce qui est appelé intimement le... C'était quoi déjà? Ben oui, j'ai pas le choix, faut que j'aille travailler. Le studio Human Race. Appelé intimement le Marcotte Heights. Ouais, très intimement, là. c'est sa raison sociale. Ouais. Bon, ben, en tout cas, merci les gars, puis écoutez, continuez dans ce sens, on a bien hâte d'entendre le produit final. Ouais, merci à toi. Merci. sur Underground Québec Radio. I do want to point out that Finland has perhaps the most heavy metal bands in the world per capita, and also ranks high on good governance. I don't know if there's any correlation there. Avant cet indicatif, nous avons entendu Augury avec Ethereal, pièce d'ouverture de leur deuxième album Fragmentary Evidence de 2009. Et je remercie évidemment Patrick Loisel et Mathieu Marcotte pour l'entrevue qui a précédé, entrevue In the Studio au Humanoid Studio, évidemment. Il est quasiment le temps de se quitter pour ceux qui nous écoutent en direct sur Underground Québec Radio. Pour les autres en différé, sur SoundCloud, nous allons dépasser évidemment une bonne dizaine de minutes, puisqu'on aura deux autres pièces. D'abord, on aura Artificial Brain avec une pièce de 2014, mais avant Answer plutôt. En fait, c'est un groupe norvégien obscur qui a disparu carrément. Semble-t-il qu'en 2011, ils ont changé de nom pour aller de pair avec une direction un peu plus rock dans leur forme de musique metal progressif, si on veut. Dans mes notes, j'avais le nom du band, mais écoutez, c'est introuvable. Là. Ça s'appelle Lakesis. Puis, non, c'est complètement disparu, ce band-là. On va y aller avec Answer, plutôt. Et pourquoi j'ai choisi ça? C'est que ça m'a déjà été suggéré par un des membres de Augury. Et pour cause, puisque quand on écoute ça, moi, personnellement, j'ai l'impression d'entendre Enslave qui essaye de faire du Augury, curieusement. Et ça date de 2008, cette pièce Phobos Anomaly de l'album Warring Factions, la subversion sur Underground Québec Radio. To the pain, to the taste, to the pain. Watching blood remains, blood in the veins. The originist will, the tactical anomaly. L'évolution du rock'n'roll a réussi en 30 ans la plus profonde perversion de la jeunesse que l'histoire ait jamais enregistrée. On vient d'entendre la formation Artificial Brain de Valley Stream dans l'État de New York avec une pièce de leur premier album de 2014, Orbital, de cet album Labyrinth Constellation, certes un des meilleurs albums de 2014 dans le métal, particulièrement le métal extrême. Ça avait été produit par Colin Martin de Gorguts. Bon, certains d'entre vous qui ont des bonnes oreilles, qui ont une bonne oreille, ont peut-être reconnu le type de mix, de production, en fait, de texture sonore que peut apporter une telle collaboration. Avant ça, on avait eu Answer, groupe norvégien, en fait, de Bremen en Norvège, malheureusement disparu au cours du temps. On a entendu une pièce de ce deuxième album, Phobos Anomaly. En fait, la pièce, c'était Phobos Anomaly, de l'album Warring Factions de 2008. Alors, c'est tout pour nous cette semaine. J'avais oublié de vous parler de ce qui s'était passé en Égypte, un concert de Sepultura avec Nader Sadek qui avait été annulé par les autorités égyptienne. Une histoire particulière quand même. Et puis, évidemment, notre ami Dominique Forest-Lapointe, faisant partie de Nader Sadek, était présent. Et, nous avait communiqué une petite histoire relativement à ce qui s'était passé. Aussitôt que Forest a entendu, il était sur le côté de la scène, aussitôt qu'il a entendu les techniciens de Sepultura dire Cancelo, il a catché tout de suite, il a ramassé sa base, puis ils sont partis. Car oui, il y avait plein de bonhommes militaires avec des fusils qui débarquaient dans une salle de concert comme ça. Alors, on peut... ça, c'était au début du soundcheck, c'était pas durant le concert nécessairement, mais il y avait quand même déjà du monde sur place. Alors, j'ai envoyé un message à Forest qui m'a répondu pour dire que il va nous parler bientôt. Alors, on va l'avoir en entrevue... Forest également pour nous parler d'Augury et Terra Mobile sans doute. Alors ça, c'est à surveiller. C'est pas la semaine prochaine, c'est dans deux semaines. Puis aussi la semaine prochaine, fort probablement, une entrevue avec Dan Lauzon de Entropy qui sont en train de composer des chansons comme ça, des nouvelles chansons pour un nouvel album après leur dernier album qui s'intitule Tree. Donc, avec Blake Lemieux, le batteur. Donc, ça reste à voir. C'est pas dans le béton encore, mais il y a des bonnes chances pour la semaine prochaine. Une entrevue avec Dan Lauzon de Entropy. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Surveillez encore les chroniques de Guillaume Gagnon, alias Sinistros, sur hurlemort.com. Vous pouvez écouter des épisodes antérieurs de Subversion. La page SoundCloud, partagez ça avec vos amis. Pour ceux qui s'ennuieraient, j'ai l'impression de paraphraser le Rockmaster. C'est assez fou ici avec Rock Classic. Pour ceux qui s'ennuieraient durant la semaine d'écouter des épisodes de Subversion. Vous pouvez le faire sur SoundCloud pour les 4 ou 5 derniers épisodes. Et éventuellement, quand la technologie le permettra, ce sera disponible entièrement, tous les épisodes antérieurs de Subversion sur hurlemort.com. Et quelques-unes aussi sur YouTube à venir. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient écouter l'épisode avec consacré au 30e anniversaire du festival World War III, vous pouvez aller sur YouTube et trouver ça. L'épisode en entier du World War III avec des entrevues fort intéressantes, un historique sur cet événement emblématique. Et puis quoi d'autre? Il me semble que je ne veux pas finir. Attends, je vais prendre une gorgée de café. il y a plein de choses que je voulais dire, mais finalement, la semaine prochaine, tiens. Et puis, dans deux semaines, évidemment, l'émission de la Saint-Jean, un spécial métal québécois, en compagnie de notre ami Michel Monette, alias Mike TMG, avec lequel nous aurons probablement un autre Metal for Breakfast. On va y aller de nos sélections personnelles de groupes québécois des 3-4 dernières décennies. Alors, ça risque d'être fort intéressant. Ensuite, il y aura deux semaines de pause pour les vacances et on reviendra en juillet pour d'autres émissions de musique subversive. Alors, spread the word pour Subversion et à la prochaine. Salut.